cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Voilà, khadna fi darsina al-akhir. Tawattal. Naam, at-tawakkulu ala Allah. ما معنى التوكل على الله سبحانه؟ تفضل. من يعتمد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه واعتقاده اسباب نعم نعم فعل الاسباب الماذون فيها صدق والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. التوكل على غير الله شرك أكبر أو أصغر؟ عندما تفضل. نعم في تفصيل. تفضل. إذا كان الشخص يعتمد على أسباب شرعي أو قدري فهذا شرك أصغر. والأكبر إذا اعتمد على شيء ليس بسبب أصل كالذي يعتمد على المعين. نعم وهذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يتوكل يعتمد على ميت أو على ميت نعم لحصول الولد، هذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إذا كان السبب مأذون فيه، سبب صحيح لكن يعتمد عليه، فهذا شرك أصغر. فالاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى وحده. Et on avait cité plusieurs choses sur هذا الباب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأن كلا منهما ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. تقدم معنا ولله الحمد باب في الخوف، وباب في المحبة، وباب في التوكل. فالمؤمن كما قال الشيخ رحمه الله هنا الشيخ صالح الفوزان يجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء comme on l'a cité précédemment. فالخوف ça va l'aider à s'écarter des ma'asi et كذلك à appliquer الطاعات والرجاء ça va l'aider à espérer ثواب الله سبحانه وتعالى même si les مقصرون même si il a fait des dhunub fayarju Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-qunut min rahmatillah azza wa jal désespéré wa sayati ma'ana insha Allah ta'ala ba'd al-adillah wa kadhalik al-amn min makrillah ay se sentir à l'abri iyadan billah fa hadha c'est min al-dhalal et ça diminue توحيد الشخص. لماذا؟ لأن سي من الكبائر سي من الذنوب الكبيرة إلا شك أن الذنوب ça fait descendre الإيمان. Et pour bien comprendre ce bab il faut comprendre c'est quoi المكر أو الأمن من مكر الله et c'est quoi القنوط من رحمة الله أي ces deux mots المكر والقنوط. Pour bien comprendre هذا الباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مكر الله أي معناه استدراجه العبد بالنعم إذا عصى، أي أن هذا العبد العاصي أي في دي بيشي في دي مخالفات دي لز دي زوبليغاسيون الله سبحانه وتعالى ينعم عليه البدن من الأموال لا بون سانتي et beaucoup de choses. Mais s'il continue à désobéir, فهذا c'est min makrillah azza wa jalla. Ça nous montre en l'essentiel ce n'est pas que d'avoir des richesses ou des biens de hadhihi ad-dunya. Kam min an-nas an'ama Allah subhanahu wa ta'ala 'alayhim bi ba'd al-umur di ni'am kathira la yashkurun bal la ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala et fi haqqihim istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala il les égare encore plus avec hadhihi an-ni'am. Et c'est ça makrullah subhanahu wa ta'ala. ويمكرون ويمكر الله صفة المكر ثابتة في المقابل كما تقدم معنا في بعض الدروس وسيأتي إن شاء الله معنا سيكون في الدروس. المهم قوله استدراجه العبد بالنعم إذا عصى أي إلى في معصية الله البدن يجب تخوفي أن العبد إلى في طاعة إلى إبخوفي بالفقر وبالأمراض وفي الفتن والمحن والله سبحانه وتعالى يحبه ساسن ومطخ يا إخوة أن الميزان أي pour savoir est-ce que المرء il est محبوب عند الله عز وجل c'est pas المال c'est pas الدنيا لا c'est الطاعة celui qui patiente et qui obéit il est à la خير même s'il a pas beaucoup celui qui n'obéit pas الله سبحانه وتعالى qui suit pas الرسول صلى الله عليه وسلم il est à la شر même s'il a beaucoup. Il faut bien le comprendre. Et في رسول الله صلى الله عليه وسلم on a un bel exemple في هذا. أنه ابتلي بالفقر والأمراض عليه الصلاة والسلام. Et عليه الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق. قال وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. حتى هذا الإنسان الأولي. أنه يفي في نعم وأموال كثيرة يبخفت يلوبلي صن الدين يلوبلي بوركو الله سبحانه وتعالى إلا كخي ثم الله سبحانه وتعالى كنت هذا العبد إمار فالله سبحانه وتعالى إلا جوج سأكوموس في القبر ثم يسوغى جوجي ونسوغى تو جوجي يوم القيامة ثم دار الخلود سي هذا العبد لمو على الكفر فلنفر اترنالمون. هذا هو مكر الله. On doit faire très très attention. أفأمنوا مكر الله. فالمؤمن لا يأمن من مكر الله. Il se sent pas à l'abri أبدا. بل il fait tout pour obéir الله سبحانه وتعالى ويخاف. وتقدم معنا باب الخوف. هذا هو مكر الله. Donc ce باب سفي مكر الله عز وجل. Et كذلك un deuxième point في هذا الباب c'est le deuxième verset. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله عز وجل عرفه الشيخ الفوزان حفظه الله بقوله استبعاد الفرج واليأس منه. un autre extrême عيادا بالله أن البعض ils exagèrent à cause de l'ignorance et d'autres choses حتى يستبعدون الفرج أي كأنهم ils désespèrent. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas leur pardonner. وهذا, c'est très très grave. لأن Allah subhanahu wa ta'ala, غفور, رحيم, كريم. Il pardonne à qui il veut, عز وجل. Il a promis à celui qui lui demande le pardon. Et il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, يتوب عليه ويغفر له. فلماذا désespéré? Donc ces deux points. الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. C'est très très grave. Ali hada Sheikh al-Islam il a cité hada al-bab pour démontrer an hada ça fait du mal au tawhid de la personne du mu'min. Limadha li anna min adh-dhunub al-kabira. Qawluhu 'azza wa jalla afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Qala Sheikh Abd al-Rahman ibn Hassan rahimahu Allah fi Fath al-Majid أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. Ils se sont sentis à l'abri. حتى ils ont plus eu peur. Ils n'avaient plus cette crainte qui pousse le mu'min à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter des interdits par rapport à son iman. فقوي الإيمان يفرى بوكو ديفور وضعيف الإيمان يفرى موان ديفور. أما هؤلاء المكذبين للرسل الكفرة tellement qu'ils se sont éloignés من الدين ils ont pensé qu'ils étaient à l'abri فكفروا بالله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن وذلك أنهم آمنوا مكر الله أو آمن من مكر الله. قال لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا عياذا بالله. صحيح بعض الناس يغتر بأولاده بماله بصحته يبانس ك s'il a tout ça c'est qu'il le mérite. S'il serait mauvais il n'aurait pas tout ça عياذا بالله. كم من الكفار من أعداء الله ممن يحارب دين الله عز وجل ils sont في نعم كثيرة des نعم دنيوية. في الحقيقة كما تقدم معنا هذا استدراج من رب العالمين لكن هؤلاء لا يعلمون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستفاد من هذه الآية من سورة الأعراف فأمنوا مكر الله الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لألا تكون استدراجا. On peut se poser une question هنا quand est-ce que cette ni'ma c'est un khayr pour toi et tu vas en profiter fi dunya wal akhirah et à quel moment cette ni'ma c'est min bab al-istidraj. فلهذا قال شيخ العثيمين الحذر tu dois faire attention c'est pas chaque ni'ma chaque bienfait si on prend l'exemple de l'argent annahu c'est un bien pour toi la la hud min al-hadhar lakin on peut se poser la question comment savoir est-ce que c'est pour ou contre nous. قال شيخ العثيمين رحمه الله لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرها. Chaque نعمة que Allah سبحانه وتعالى il te donne on doit avoir ou faire هذه العبادة العظيمة الشكر شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة être reconnaissant c'est ça le mizan. Celui qui est reconnaissant quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une ni'ma, cette ni'ma c'est un khayr pour lui. Limada li anna il a fait suivre cette ni'ma par une ibada azima ash-shukr. Celui alladhi la yashkuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mah et Allah il lui donne toujours, c'est min al-istidraj. Qala ash-shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah wa hiya al-qiyam bi ta'at al-mun'im. Al-mun'im c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mun'im ay celui qui donne an-ni'ma. والمنعم عليه سزلك غسوى النعمة. قال فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من مكر الله. فالسلوي prend l'exemple des kuffars أنهم لا يشكرون الله لا يعبدون الله بل يحاربون الله عز وجل ويسبون رسوله وأولياءه صلى الله عليه وسلم et malgré tout cela ils ont beaucoup de ni'am. La pluie في بلاد الكفر كثيرة أموال طائلة كثير منهم sont en bonne santé إلى آخره et هذه نعم jour après jour ربما l'augmente. Est-ce que c'est خير pour eux أبدا c'est من باب الاستدراج et c'est من مكر الله عز وجل بهؤلاء أنهم se sentent en sécurité الله يمكر بهم إلا غدن حتى إذا جاء أحد هؤلاء الموت il perd tout. À l'instant même, quand Malak le Maut y vient, il perd tout. Et il se retrouve fi qabrihi wa yu'adhab, iyadam billah. Et adhab al-akhira, il est achad. Wa wa'adhu afa al-muslimin, ils ne comprennent pas, mitla hada. Allez, là, ils se posent la question, pourquoi, vi bilad al-muslimin, il y a la sécheresse, il y a des guerres, il y a le faqr, il y a l'akhira, wa fi bilad al-kufr, l'amtar laylan wa nahara, il pleut souvent, et ils sont vi ni'ma. أي من حيث المال etc. et بعض المؤمنين ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi si ils sont mauvais ils sont tous ni'am mais pourquoi si nous on est à la haq on souffre avec la pauvreté إلى آخر لأن هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يحبها. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a choisi l'akhira pour ses messagers عليهم الصلاة والسلام pour ceux qui suivent كذلك هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الميزان c'est l'akhira. Al-mizan, c'est taqwa, c'est ta'a. C'est pas cette dunya et les bienfaits de cette dunya. Vu que kathirou minan nas, ils sont attirés l'un par dunya et ils ont oublié l'akhira, ils n'arrivent plus à comprendre. Comment ce kafir, s'il est mauvais, pourquoi il a toutes ces ni'am? هذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله من القول المفيد. على كل حال ce bab, donc on répète, il est fondé sur ces deux points, al-makr ou al-amnu min makrillah et كذلك al-qunut min rahmatillah azza wa jalla. Le premier verset qu'il a cité, ava aminu makrallah, c'est sur le premier point, on a cité l'explication de ba'd ahl al-ilm. Le deuxième verset, qala rahimahullah wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah في إعانة المستفيد أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق. الضالون c'est ceux qui se sont écartés du حق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À cause de leur ignorance ils s'écartent du حق. قال لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم ويعلمون من قرب رحمته وفرده ما لا يعلمه غيرهم. C'est pour ça que هؤلاء et c'est أفضل الناس الأنبياء والرسل ils ont jamais désespéré أبدا. Pourquoi? لأنهم ils connaissaient Allah سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فمن صفاته الرحمن الرحيم الكريم الغفور الغفار. فpourquoi désespérer? كذلك الله سبحانه وتعالى il a promis que celui qui lui demande une chose il lui donne, celui qui demande pardon il accepte son repentir. فلماذا désespérer? Ça nous montre أن ceux qui désespèrent c'est الجهل, ils connaissent pas Allah سبحانه وتعالى. Même s'ils ont étudié, même s'ils ont des connaissances, même s'ils sont intelligents, c'est des ignorants. بنص القرآن قال عز وجل إلا الضالون والضلال. La cause c'est le jahl. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فالقنوط من رحمة الله لا يجوز لأنه سوء الظن بالله عز وجل وذلك لأمرين. وهذا سان كلام طيب. Il va expliquer pourquoi c'est aussi grave de désespérer. Penser que Allah subhanahu wa ta'ala il va pas pardonner, هذا c'est très très grave. وهذا ça arrive. Vous l'avez déjà entendu, ربما أن بعض الجهال لأن هذا لا يحصل إلا من الجهال. أما celui qui connaît Allah سبحانه وتعالى خاصة avec ses noms, ses attributs, tout ça fondé sur عقيدة السلف, فالحمد لله il comprend هذه الأمور. أما الجهال من الفساق فبعضهم ils font des péchés كثيرا من زنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك. Et quand ils sont conseillés, أحيانا يقعون في هذا في القنوط من رحمة الله عز وجل. أنهم ils pensent que après tout ce qu'ils ont fait, s'ils demandent pardon, Allah ne va pas leur pardonner. هؤلاء c'est des جهال, c'est très très grave et c'est un سوء الظن بالله. Ils connaîtraient Allah subhanahu wa ta'ala حق المعرفة وحق الإيمان, ils n'auraient jamais dit هذا. أن Allah ne peut pas leur pardonner. لماذا il ne pourra pas? عياذا بالله, c'est très très grave. Est-ce que Allah il y a une chose qu'il ne peut pas faire? أبدا, Allah il est على كل شيء قدير. Cheikh Ibn Uthaymeen va citer les deux points pour montrer pourquoi c'est tellement grave de désespérer. قال الأول أنه طعن في قدرته سبحانه. C'est ce qu'on vient de citer. Allah il est على كل شيء قدير. Il est capable de tout. Allah سبحانه وتعالى il est capable de pardonner à quiconque n'importe quel péché. حتى الكفر والشرك. Tant que l'insan il est vivant والله الحمد, si il fait tawbah, Allah سبحانه وتعالى il lui pardonne. فبوركو أبنسي كو الله يبغي با باردوني. هذا سنطعن في الله عز وجل في قدرته. لأن سوكي ديز لا الله يبغي با أو يبغي با ما باردوني أن لور دي نحن أسكو الله إلي انكابابل دو تو باردوني إلا با لا كاباسيتي. فلا شك أن المؤمن يديغا الله إلي كاباب دو تو. فأنا با أفور ست شوها عيدا بالله. وإبليس عدو الله يحارب كثير من ضعفاء الإيمان ومن العصا من هذا الباب. تدخل بعض العصا بسبب جهلهم tellement qu'ils font des péchés et ils se sont écartés du din et ils sont plongés عيادا بالله في الدنيا. Et quand ils sont conseillés بعضهم ils veulent خير ربما لكن ils pensent que c'est trop tard. Là tant que tu es vivant, tant que tu n'as pas été enterré tant que les signes de la fin des temps, le soleil ne s'est pas levé min maghrib, fala taqnat min rahmatillah. Azza wa jal. Allah il pardonne tout. Hatta un kafir yahoudi, si il demande pardon, il fait tawbah et il rentre dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. Et ça nous montre fadlullah subhanahu wa ta'ala. Qala athani, deuxième point. Donc le premier, ta'nun fi qudratillah azza wa jal. Le deuxième, annahu ta'nun fi rahmatihi subhanahu, li'annahu man 'alima anna Allah rahim la yastab'id an yarhamahu Allah subhanahu. Le premier point, c'est sur la capacité, le qudra. Allah, il est capable de tout. Le deuxième point, celui qui connaît had al-ism, al-rahim, ism al-rahman, ça englobe sifat al-rahma, il ne pourra pas dire mit had al-kalam. Ou penser à ayyad billah que Allah, il ne peut pas lui pardonner. Léan Allah, il est rahim. Sa rahman englobe tout, comme taqaddam ma'ana kathiran. Limada, ce insan, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui pardonnerait pas. Lakin al-shaytan, comme taqaddam, il combat. Al-insan bihala hatta cet homme ou cette femme, ils ne font pas de tawbah. Mais celui qui fait de tawbah bi ikhlas bi shurutiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte et il lui pardonne. Et celui qui a dû tuer 99 personnes, al-hadith, al-ma'ruf, c'est un burhan ala hada. Il a tué 99 personnes et Allah subhanahu wa ta'ala ghafara lah. Il lui a pardonné. Mais il a tué 99, il a tué 100. Celui qui lui a posé la question et il lui a mal répondu, qatala, il a tué 100 personnes et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Comme min al-nas l'an, walillah l'hamd, ils n'ont pas tué 99 ou 100 personnes. Voilà, Robama, ils n'ont pas tué 9 sun wahida. Lakin, ils ont des ma'asé. Et Shaitan, il leur a fait rentrer cette shubha, iyadun billah. À ces deux points. Donc, ta'an fi qudratillah wa ta'an fi rahmatillahi azza wa jalla. Thumma qal, رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. أي نعم. لدو أحاديث قال في الحاشية حسنه شيخ الألباني في الصحيحة. لدوزيم قال إسناده صحيح. نعم. فحديث ابن عباس بعضهم ضعفه كما في هذا التحقيق. لكن لدوزيم إلى الصحيح. Il appuie le premier. Al-shirku billah wal-ya'su min rawhillah wal-amnu min makrillah. Et dans le deuxième, al-ishraku billah wal-amnu min makrillah wal-qunut min rahmatillah wal-ya'su min rawhillah. Non. هذا الحديث il est ثابت. ولو dans certains sanidia فيها ضعف لكن avec toutes les طرق الشيخ الألباني رحمه الله il l'a حسن وصحح. والشيخ مقبل كذلك le deuxième إلا صحح رحمه الله كما بتحقيقه على تفسير ابن كثير فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله أنه يدل أي هذا الحديث أو بتقول هدو حديث أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب. الذنوب صف ديسندر الإيمان خاصة les grands péchés. Et كذلك ça affaiblit التوحيد. Ça ne fait pas sortir de l'islam, لكن ça fait beaucoup de mal au مؤمن موحد. Et ça peut le pousser, عياذا بالله, à des choses très très graves. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. هذا تقدم معنا dans les bab précédents, bab الخوف من الله. فالمؤمن دائما il doit être entre ces deux عبادات, خوف ورجاء. Et bien sûr il adore Allah subhanahu wa ta'ala بمحبة, Avec ces trois ibadat, al-mahabba, wal-khouf, wal-raja, fal-mu'min, bi-idhnillahi azza wa jal, il sera ala khayr. قال وإن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. أي quand il se rappelle ses ذنوب, les péchés qu'il fait, ou les obligations qu'il délaisse, ou le تقصير, le manque qu'il a dans telle chose, il يخاف من الله. لماذا؟ لأن الله إليه شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى سي القوي سي العزيز سي الجبار. لا شك أن المؤمن يخاف من الله. Quand il se rappelle de ses péchés, وهذا الخوف له ثمرة طيبة, c'est التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان il est pas معصوم. Et ça arrive de faire des choses qui font du mal à l'Iman. لكن خوف المؤمن في هذا الحال بإذن الله عز وجل, ça l'aide à se remettre en question et à revenir. ثم قال وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها. سي ولله الحمد il arrive à avancer, que ce soit في العلم, que ce soit في العبادة, il est régulier et il est motivé. هذا سي فضل من الله, il espère من الله سبحانه وتعالى qu'il accepte ses efforts. قال وخاف من ردها بتقصيره في حقها. On répète ça va ensemble. مع هذا الاجتهاد. Avec ses efforts, il a agré. هذا العبد المؤمن. Vu qu'il est مخلص, il خاف que هذه العبادات soit pas acceptée. لماذا؟ لأن on a aucune garantie. ما تدري. Sur quoi tu vas mourir. ما تدري. Est-ce que ce عمل il a été accepté. Enfin, tu espères, ça t'encourage à faire, et que d'aller, quand tu as fait, fatakhaf. L'imam, il n'était pas assuré que ce amal soit accepté, et thanien, tu n'es pas assuré de continuer à faire ce amal, hatta al-maut. Qala, wa in ibtuliya bi mu'siyatin raja min rabbihi qaboola tawbatihi wa mahwiha. Et si et lui arriver de faire un péché, iyadan billah, fa il espère min Allah qui lui facilite la tauba et qui lui accepte son repentir. Wa khashiya bi sabab dha'f at-tauba wal iltifat li dhanb an yu'aqab 'alayha. Et il a peur كذلك. Vous avez remarqué, Cheikh Saadi rahimahullah, il cite daiman les deux. Et c'est ça hal al-mu'min. Fa fi at-tauba tu as ar-raja, et tu espères que Allah il accepte هذه التوبة ويوفقك للتوبة. Et quand tu as fait التوبة كذلك تخاف, tu crains أن Allah سبحانه وتعالى il n'a pas accepté. Fait avec ces deux عبادات عظيمة, ça permet aux mu'min de rester à la surat al-mustaqim et faire attention de ne pas pencher d'un côté ou d'un autre. قال الشيخ سعدي رحمه الله وعند النعم واليسار أي اليسر يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها. Quand Allah سبحانه وتعالى lui donne une ni'ma, خاصة النعم qui sont liées directement au din, كالعمل الصالح والعلم والاستقامة, فيرجو الله دوامها, il espère et il a حسن الظن بالله عز وجل أن هذا ça va durer. كم من الناس ils ont un سوء الظن بالله عز وجل, فربما يدلس العبادة لماذا؟ par peur de ne pas continuer. Ça arrive هذا. بعض ضعفاء الإيمان مثلا tu lui dis pourquoi tu ne fais pas telle chose, فيقول je me sens faible, je vais arrêter, plus tard je la ferai inshallah. هذا كذلك c'est من حرب إبليس. أما celui qui a حسن الظن بالله عز وجل يتوكل على الله, il fait cette عبادة ويرجو من الله, il espère أن الله سبحانه وتعالى يوفقه, أي de faire cette عبادة حتى يموت. أما le fait de ne pas la faire, ça arrange rien. فالإنسان يفعل et يتوكل على الله. Et si ça arrive qu'il délaisse, فيتوب et il refait. وهكذا المؤمن اللي في جهاد حتى يموت. C'est ça جهاد النفس. أما délaisser les efforts en prétextant que je vais pas pouvoir continuer, je vais arrêter là. هذا الحقيقة سيكو الشيطان كي السيد نوزيك احتي من الطاعة. قال والتوفيق لشكرها. هذا on doit pas l'oublier, ce point il est مهم. لأن النعمة peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner telle chose et telle chose et tu espères que ça continue, n'oublie pas shukr al-mun'im azza wa jal. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq pour faire partie de ha'oula al-shakirin. Il y en a, c'est une ni'ma azima. Et celui qui applique هذه العباده العظيمه الشكر الله سبحانه وتعالى il lui rajoutera une autre ni'ma. Et ce mu'min il sera في ni'mah mustamirah wa yataqallab fi an'am ni'ma après ni'ma hatta yalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en appliquant ces choses, husnu dhann billah, al-ijtihad, ad-du'a. Vous avez remarqué que dans Kalam Cheikh Saadi, tu peux tirer ces trois ibadat. Al-ikhlas, tu fais à l'Allah, al-ijtihad, et كذلك ad-du'a, la demande de tawfiq. قال ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها. Après avoir cité Raja, rahimahullah, il a recité le khawf. أن cette ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné, كذلك يخشى ويخاف, il a peur que cette ni'ma lui soit retirée. خاصة نعمة الإيمان والعلم. كم من الناس الله سبحانه وتعالى لو قد دوني ست نعمة. لماذا؟ لأن هؤلاء مغتطى. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بالإيمان. أسن نعمة عظيمة. وكم من الناس ils ont perdu cette نعمة. Pourquoi? لأن il y a des causes. فأن fais attention quand tu as une نعمة فحافظ عليها. Plus que les efforts qu'on fait pour préserver notre santé, nos biens, nos enfants, c'est beaucoup plus profitable. Et on n'est pas à l'abri. L'insan, il n'est pas à l'abri. Il y a le Et quand il est éprouvé par une musiba, par quelque chose qui lui fait du mal, fayarjullah, il espère min Allah que Allah subhanahu wa ta'ala lui écarte ce mal. Et il écarte ce mal de lui. Wa yantadir al-faraj, as-sabr kadhalik. On peut rajouter dans les ibadat qu'on tire de hada al-kalam an-nafis, kadhalik ibadatu as-sabr. Falihada, Sheikh al-Islam rahimahullah, après avoir cité hadhihi al-abwab al-muhimma, المحبة والخوف والتوكل والحذر من الأمن من مكر الله والقنوط إلى الست رحمة الله عليه باب من الإيمان بالله الصبر لأن هذا الصبر يبعث بخزغبي بإذن الله عز وجل تتزف وبلا الصبر فالإنسان يسفي بكو دمال قال رحمه الله ويرجو أيضا نعم وعند المصائب ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. أي المؤمن il a peur de ça, il a peur de ne pas être récompensé pour ses أعمال et كذلك que cette نعمة soit remplacée par quelque chose de mauvais. إذ لم يوفق للقيام بالصبر الواجب فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء. الشيخ سعدي رحمه الله في هذا الكلام النفيس il a cité des points importants, des exemples, et à chaque fois il a cité الخوف والرجاء, الخوف والرجاء, pour te démontrer, أخي الكريم, أن دائما tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala وتخاف منه وترجوه. قال وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة ويخشى على العبد من خلقين رذيلين. Après avoir cité الخوف والرجاء, il va citer deux points qui contredisent, qui font beaucoup de mal à ces deux عبادات, الخوف والرجاء. أي c'est le باب que Cheikh al-Islam il a cité رحمة الله عليه. قال أحدهما, أي les deux choses qui vont faire du mal à ce mu'min par rapport à l'khouf ou al-raja. L'khouf, la crainte, la peur, ou al-raja, l'espérance. أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. وهذا c'est très très grave. Exagérer dans une ibada, une ibada min ibadat l'islam, ça fait beaucoup de mal aux mu'mines. Ba'dhannas yakhafun min Allah, lakin ils exagèrent. Ils ont délaissé l'autre ibadah qui règle la première, al-raja. Celui qui a le khawf, كذلك al-raja, al-a'im, ils ont donné comme exemple, il sera comme un oiseau, qu'at-tayr. At-tayr, l'oiseau, il a besoin de deux ailes. Al-ulama, il compare le mu'min, il ressemble à un oiseau, il a besoin de le khawf, al-raja. Al-raja, ils exagèrent, ils khawfoun Allah. لكن ils ont un ضعف في الرجاء حتى الخوف il prend beaucoup plus de place et il désespère. فلهذا الشيخ سعدي قال ان يستولي عليه الخوف حتى يقمط من رحمة الله وروحه. هذا الخوف il le pousse à désespérer tellement qu'il a peur. قال الثاني ان يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال الى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء. Deuxième cas, بعضهم انهم يبونش بلوس vers الرجاء يزوبلي الخوف حتى يبونس كي سون على بغي. Il fait un péché, tu lui dis يا فلان اتق الله. Il répond الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم. Et il te dit pourquoi tu cites que les mauvais côtés. Allah il pardonne. Allah سبحانه وتعالى il est غفور ورحيم. Et هذا c'est صحيح. لكن est-ce que أنت أو أنا on fera partie de ceux que Allah سبحانه وتعالى à ceux que Allah سبحانه وتعالى il a pardonné ben attribu. Ça nous pousse à avoir peur. Et كذلك on ne désespère pas. Nous on espère faire partie de هؤلاء. أما continuer à faire des péchés, ne pas accepter النصيحة, ne pas faire tawbah et prétendre que Allah il pardonne tout, ben, l'insan qui fait هذا il est à la خطر عظيم. لماذا؟ لأن il lui manque l'autre ibadah azima al-khawf aw il en dha'f fiha. Qala faqad dhayya wajib al-khawf wal-raja alladhayni huma min akbar usul at-tawhid wa wajibat al-iman wa lil-qunut min rahmatillah wa al-ya's min ruhihi sababan mahdhuran alladhayni huma min akbar usul at-tawhid ay al-khawf wal-raja. لماذا؟ لأن الشك عباده ça sera lié al-khawf wal-raja comme taqaddam. Celui qui a un problème dans ces deux ibadat ou dans une des deux, voilà, il fera du mal à son tawhid. فلهذا المؤلف رحمه الله il a cité هذا الباب في كتاب التوحيد. قال وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران. وهذا سطيب. On connaît الآن la gravité de ces choses. Que ce soit الأمن من مكر الله أو القنوط من رحمة الله عز وجل. Et ça c'est طيب le mu'min qui connaît la gravité d'une chose. Et كذلك من المهم c'est de connaître السبب. C'est quoi la cause qui pousse بعض الناس à désespérer. قال الشيخ سعدي رحمه الله سببان محظوران. Deux causes. قال أحدهما أن يصرف العبد على نفسه ويتجرع على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية. عبد il fait beaucoup de haram et il n'arrête pas, il est régulier vers le haram. حتى son cœur يضعف إيمانه ينقص. قال ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. Et tu trouves كثير من هؤلاء ils le disent bilisan al-maqal. حالهم c'est هذا. Et احيانا ils le disent tellement qu'ils ont été loin, ils pensent. لأن القلب il devient dur, il devient noir et ils pensent que Allah il peut pas leur pardonner. Alors que là, s'ils font tawbah, Allah il leur pardonne tout. لكن ما وفقوا. لماذا؟ لأنهم ils font pas d'effort. عيادا بالله. قال فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. C'est ce qu'il veut الشيطان. C'est pour ça que le شيطان il fait tout pour que le mu'min يعصي الله عز وجل. حتى son cœur il durcit et il pense que Allah سبحانه وتعالى il va pas lui pardonner. فكيف il fait ce عبد il continue. وبعض الفساق ils le disent Allah سبحانه وتعالى il va pas me pardonner. فأشو continue je profite عيادا بالله. حتى يهلك. هؤلاء ils ont oublié دار الآخرة. كذلك هؤلاء أتوا من جهلهم Mais celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'apprentissage de l'aqida. Celui qui connaît sa aqida, même s'il fait des dounous, même s'il a des faiblesses dans certaines choses, s'il a appris cette aqida avec ikhlas, فبإذنallahi azza wa jal, ça lui sera utile. Il se rappellera en Allah ghafur rahim, فَمَهْمَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدُّنُوبِ. Même s'il a fait énormément de zunoub, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, il est clair. نَصٌ أي لَا تَقْنَطُوا, ne désespérez pas. Allah, il pardonne tout. Le mot tout s'englobe tout. حَتَّى الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Bien sûr, avant la mort. Amma après la mort, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Même après la mort, Allah ne pardonne pas le shirk, les autres péchés, même les grands, فتحت المشيئة. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Lakin avant la mort, مَنْ تَاب تَاب اللَّهُ عَلَيْهِ. Pourquoi désespérer, أخي الكريم? Pourquoi? Est-ce que tes péchés, ils sont أَوْسَعْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. نَعُوذُ بِاللَّهِ. ورحمة الله وسعت كل شيء. أما تي بيشي on a tous des péchés بين مقل ومكثر. أما القنوط من رحمة الله ce désespoir lui-même c'est un grand péché. في الحقيقة الشيطان c'est ce qu'il veut nous enfoncer dans les péchés حتى نهلك معه عيدا بالله. قال ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. أي السلوي عيادا بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع السلامة. أن السلوي كي أتن سنيفو أي في المعاصي المستمر السكخ دو الدين فلا يرجى له الخير صف سيفاء التوبة صف إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك وإقلاع قوي. Vous avez remarqué que il a qualifié l'iqla' bil quwwa. L'iqla' c'est retirer, arrêter. Huna c'est par rapport au péché. Hada vu que sa vie elle est basée sur dono. Wa'aduhum 'iyadan billah min as-sabah ila al-layl. Hatta son activité professionnelle, hatta ses liens familiaux, hatta ses passions, ce qu'il fait, tout est fondé sur le haram. 'Iyadan billah. Hada pour arrêter, il faut un iqla' qawi. C'est pas comme certains, Obama, il fait beaucoup d'efforts, wallah, alhamdulillah, et ahyanan, il glisse, il a fait un péché, et Allah yuwaffiquhu, il délaisse. Hada, c'est plus simple que le premier, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Même ce cas, qui est critique, fil haqiqa, l'insan, la yaqnat, il désespère pas, abadan. Wallah subhanahu wa ta'ala, yuwaffiq man yasha. Et celui qui est vi salam, ash-shukr kama taqaddam. Il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à notre époque. Qala al-thani, le deuxième, qala al-thani an yaqwa khawful abd bima janat yadah min al-jara'im wa yad'uf ilmuhu bima lillah min wasi' al-rahmati wal-maghfira wa yadhun bi jahlihi anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamahu wa law tab wa anab. Aïe, tellement qu'il a peur, et il sait qu'il a fait des jara'im, comme a dit le Cheikh Saadi. Jara'im, c'est le pluriel de jarim. Aïe, des zunoub. Des choses graves. Son iman yad'uf, et كذلك ilmu. Ilmu, iyadun billah, wa yad'uf ilmu. Ça montre que l'ilm yaqwa wa yad'uf. Et c'est quoi qui rend هذا l'ilm qawi? C'est le talab. Bien sûr, avec l'ikhlas wa tawfiq. Ça nous montre un al-ilm yaqwa wa yad'uf. Ça nous montre que ça ne suffit pas une étude simple de l'aqida, thumma l'insan, il délaisse cette étude, wa yanghamis fi dunya, et il oublie. Rubbama hadha al-ilm yad'uf, yad'uf, hatta wallahi yukhalif ma ta'allama. Yukhalif ma ta'allam. Ay la abkhi l'aqida, thumma yukhalif. Limadha? Li'anna kathratu d-dunub wal-bu'd عن الجلساء الصالحين والعلم ومجالس أهل العلم إلى آخره son علم يضعف يضعف حتى il fait des choses qu'il n'aurait pas fait au départ. Et tout ça c'est بقدر الله عز وجل. ça nous montre ماذا تستفيد ماذا من هذا أن هذا العلم يحتاج إلى مراجعة إلى تجديد إلى اجتهاد مستمر. العلم c'est pas qu'une petite partie. J'ai du علم, j'ai compris al-wasitiyya ou j'ai compris kitab tawhid, خلاص je suis à l'abri jusqu'à je meurs من الشرك. أبدا أبدا. أفأمنوا مكر الله. لا, tu as appris al-tawhid, demande à Allah subhanahu wa ta'ala أولا التوفيق pour appliquer. L'apprentissage, l'apprentissage c'est une chose, ou l'amal c'en est une autre. Comme les gens qui connaissent des messages, ils les mettent dans l'application. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq d'appliquer. Thaniyan, on fait des efforts. La bud min akhd al-asbab. Le premier c'est min bab al-tawakkul comme taqaddam, le deuxième akhd al-asbab. Ay muraja'a, tu étudies kitab tawhid, tu étudies un deuxième kitab. Tu étudies un troisième qui va t'augmenter tes ma'loumates, qui va te faciliter à comprendre des choses que tu n'avais pas comprises dans le premier sharh, wa hakada. Thalithan, al-du'a, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Al-thabat. L'an al-thabat, c'est biyadillah, azza wa jal. Tout ça, tastavidhu min qawlihi wa yad'uf ilmuh. Ça nous montre anna al-ilm qad yad'uf. C'est comme l'iman. L'iman, il monte, il descend, ou l'ilm, hakada. Ahyanan, العلم يقوى avec le muraja'a, avec l'ikhlas, avec les efforts, avec le julasa, les fréquentations. Ton frère il te rappelle telle chose et tu augmentes fil ilm. Ou l'ilm yad'uf kadhalik avec le kassal et ne pas faire d'efforts, kadhalik s'éloigner de ahl al-ilm, de talabat al-ilm, de majalis al-ilm, et kadhalik ne pas réviser ila akhir. هذا العلم يضعف حتى ربما un ilm que tu as appris tu l'oublies totalement. وتخالفه كأنك tu ne l'as jamais appris, iyadam billah. Qala, wa yad'uf ilmuhu bima lillah min wasi' ar-rahma wal-maghfira. Fa ka'anna, son péché il est plus grand que ar-rahma, iyadam billah. Wa illa celui qui a cette aqida anna rahmatallah wasi'at kullu shay, ana ashak anna sayastasghir dhanbuh. Et sans négliger le khawf bien sûr, lakin par rapport ar-rahma, façon dhanb il est saghir. Enfin, il placera sa confiance en Allah, il espérera en Allah, il lui pardonne, et il khaf min dhunub, lian dhunub ça fait du mal, et yatoub. Qala wa yadhun bi jahlihi anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu wa law tab wa anab. Ça nous montre là le deuxième point, la cause pourquoi بعض الناس iyadan billah il désespère à cause de l'ignorance. Ça nous montre l'importance du ilm, khassatan ilm asma illah wa sifatih. Tout ça vient de l'ignorance fi asma illah wa sifatih. Pourtant on récite tous les jours, chaque mu'min il récite tous les jours al-fatiha, alhamd bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Le début de al-fatiha en haqiqa fiha al-khawf wal-raja wal-mahabba, comme on avait expliqué fi tafsir sourate al-fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Il y a les trois. الحمد لله رب العالمين الثناء. الحمد c'est الثناء بمحبة وتعظيم. Tu as المحبة, محبة الله. C'est pour ça que tu dis الحمد لله. تحب الله سبحانه وتعالى. Tu dis الرحمن الرحيم. Tu sais que Allah سبحانه وتعالى c'est أرحم الراحمين. Donc tu as l'espoir. مالك يوم الدين الخوف. Tu sais que tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-yawm. Maliki yawm al-din ay al-qiyam. Donc, en haqiqa, celui qui a un minimum de ilm, qui étudie hadha al-ilm bi tadarruj, مثلاً, il commence par tafsir al-fatiha, par des rasa'il simples fi kitab, fi tawhid, aqsud, fi al-aqida, ila akhirah, inshallah, il aura des connaissances fi hadha. Vu que kathirun minan nas se sont écartés de mabadi al-ulum. On ne parle même pas de talab al-ilm, l'ijtihad fihi. Là, on parle de l'mabadi, l'usul, les fondements, les bases et les obligations que chaque musulman doit connaître. Il y a un khalal fi hadha al-bab. Un des de nous, il pense que Allah ne peut pas lui pardonner, iyadan billah. Qala wa law tab wa anab wa tad'uf iradatuhu fayay'as min ar-rahma wa hadha min al-mahadhir ad-dharra الناشئة من ضعف علم العبد بربه. تأمل قوله رحمه الله بربه. هذا أعظم العلوم. أعظم العلوم أي ما يتعلق بأسماء الرب وصفاته عز وجل. هذا أعظم العلوم. C'est pour ça que كثير من القرآن من الآيات القرآنية في هذا أي des noms et des attributs d'Allah سبحانه وتعالى. فكلما الإنسان fait des efforts في هذا العلم, il apprend les noms d'Allah, les attributs d'Allah, tout ça tu apprends والله الحمد في دروس العقيدة, dans les cours sur la croyance, que ce soit l'Umat al-I'tiqad ou al-Qa'id al-Mutla ou al-Wasitiyya, al-Tahawiyya, tous ces livres والله الحمد des savants de la Sunna, tu apprendras هذا الباب العظيم. فكلما الإنسان اللي قوي في هذا الباب يسوغ قوي في دينه. كلما الإنسان اللي ضعيف في هذا الباب يسوغ ضعيف في دينه. Même s'il fait des efforts dans la langue arabe, même s'il fait des efforts في الفقه, même s'il fait des efforts dans son comportement إلى آخره, il lui manquera la base. لأن القلب s'il est قوي, tout le corps il est قوي. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Et هذا القلب, c'est ce قلب qui va accueillir cette عقيدة. ثم السائر الجوارح سسبيبغا. أما واحد يفيد الزفور في اللغة العربية طيب, c'est très important. كذلك يفيد الزفور apprendre à faire la salat avant mon comportement, c'est مهم جدا. لكن يدلس الأصل la base sa langue arabe et toutes les ibadat, le bon comportement qu'il fait, ça sera basé sur du dhaaf. Probablement une épreuve, il te laisse la langue arabe, le salat. لماذا لأن il lui manque الأصل أي هذه العقيدة. قال وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها, فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته ووجوده وكرمه. فلو عرف هذا ربه, s'il connaît très vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous montre qu'on doit faire les causes. Il y aurait une samara azima, deux choses, l'ilm ou l'asbab. L'asbab est mettre en application. C'est ça le din, c'est fondé sur l'ilm ou l'amal al-salih. Qala, si on répète l'an, falou arafa hada rabbah, walam yakhlud ila l'kassel, donc ilm ou amal, al-thamara, ça aurait donné quoi comme fruit, la'alima anna adna sa'iyu siluhu ila rabbi. Il aurait su que des choses très simples, مثلاً يقول استغفر الله واتوب إليه, il délaisse هذه الدنوب, il regrette et il remplace ces dunoub par des ta'at. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. Tout ce qu'il a fait, rubbama sinin, Allah lui pardonne tout. Et il reprend une nouvelle vie qui est fondée sur ta'a wal ikhlas wa mutaba'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il sera à la khair. La haqiqa, ça ne demande pas de dépenser de l'argent ou de faire quelque chose de spécial. La tawba bil qalb, thumma il change ses a'mal si'a par des a'mal tayyiba. قال وإلى رحمته وجوده وكرمه. قال وللأمن من مكر الله أيضا سببا مهلكا. Il a cité deux causes qui poussent l'insan عيدا بالله à désespérer. Et tu peux résumer tout ça بي سوء الظن بالله عز وجل والجهل. أي mauvaise pensée envers Allah et l'ignorance. Ça pousse l'insan à désespérer. كذلك ne pas faire d'efforts et continuer à faire ses péchés. حتى القلب يضعف, l'insan il pense que c'est trop tard. Tout ça c'est le résumé des deux points qu'on a lus. كذلك deux causes qui poussent l'insan عيادا بالله à se sentir à l'abri. C'est un autre extrême. L'autre il a désespéré tellement qu'il a peur, وهذا tellement qu'il espère il pense qu'il est à l'abri. Deux causes qui poussent à هذا الذنب العظيم. قال أحدهما يعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق. لا même chose, ça revient دائما وعلم. إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق, أي عيادا بالله إعراض, il se détourne, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas mettre en application. هذا الإنسان الآن ses أعمالs sont fondées sur الجهل, l'ignorance. Pourquoi? لأنه il se détourne, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas appliquer. قال وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات. Et هذا كذلك, sa vie elle va être basée sur هذا, jour après jour, mois après mois, année après année. إعراض, et il délaisse les واجبات, et il est في غفلة. وهؤلاء en général ils sont attirés كثيرا par الدنيا. Celui qui n'est pas attiré par le dîn, il sera attiré par le dîn. Le cœur est durci, قال غافلا مقصرا عن الواجبات. منهمكا في المحرمات. Celui qui délaisse le wajibat en général, il fera beaucoup de haram. عياذا بالله. قال حتى يضمحل خوف الله من قلبه. Cette situation qui est fondée sur l'i'rab, l'ignorance, délaisser les obligations et faire du haram, عياذا بالله, ça va pousser à quelque chose de grave. أن الخوف يسلب منه. Il a plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant Allah il est capable de le châtier. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste هذه الذنوب. Et il a mis en garde l'ibad contre هذه الذنوب. لكن هذا العبد vu qu'il a plus ce خوف, il va se sentir à l'abri. قال ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. C'est pour ça que celui qui a même un iman va'if, tu trouves qu'il a des limites. Il fait certaines obligations, il délaisse certaines muharramat. Même si ahyanan il délaisse une obligation ou il fait du haram, tu trouves, tant que c'est un mu'min, il a certaines limites. Amma, ceux qui n'ont plus de khawf du tout, plus de iman du tout qu'al kafara, ils n'ont plus aucune limite. Iyadan billah. Hada, donc c'est le premier, al-i'rab. Et se détourner, iyadan billah, ne pas faire d'efforts fil ilm wal amal, hatta ce cœur est durci, et il pense que, ou il a plus de khawf, il pense que Allah il peut pas le châtier. Et Allah il va lui pardonner. قال السبب الثاني ان يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه. Vous avez remarqué que dans les quatre points, les deux sababs de al-qunut min rahmatillah, et les deux sababs de al-amr min makrillah, vous avez remarqué que dans les quatre, c'est lié avec al-jahl. Et c'est lié avec l'ilm, le contrat du ilm, al-jahl. Ça nous montre que al-ilm fihi kulli khayr, son contraire al-jahl fihi kulli shar. Hada al-abd, ta'ammalu qawlahu 'abidan. Un 'abid, c'est ce qu'on citait tout à l'heure. Annahu il fait des efforts fil ibada. Il fait des efforts dans beaucoup de choses, lakin c'est un jahl. Il ne fait pas des efforts fil ilm. Et tu le trouves كثيراً هذا. بعض الدعات من الضلال يركزون كثيراً les bons comportements, respecter son voisin. Et ça c'est طيب. أهل السنة كذلك يدن de l'importance à هذا. لكن أهم من ذلك c'est المعتقد الصحيح. وكونتخ منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أما عابد لكن c'est un جاهل. Et cette ibadah n'est pas fondée sur l'ilm, ça va pousser à quelque chose de grave. قال مُعْجِبًا بِنَفْسِهِ مُعْجِبًا بِنَفْسِهِ ce qu'on appelle الغرور يَغْطَرُ بِنَفْسِهِ. Il pense أنه il est mieux que les autres. Il pense أن الله il ne peut pas le châtier. Et c'est ça le point qu'il veut démontrer Cheikh Saadi. لماذا لأنه سعابد. Il est à la jahl. قال مَغْرُورًا بِعَمَلِهِ فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من مكر الله. Jour après jour, سيغتر. هؤلاء en général, ils acceptent pas النصيحة. Pourquoi? لأنه سعابد. Tu le trouves هذا بعض الجهال. أنه يعبد الله سبحانه وتعالى لكن بالجهل. فسيل conseillé par un plus jeune que lui. Ou quelqu'un qui n'a pas une situation comme lui fait dunya, pourquoi? Il pense que c'est lui qui sait. Il pense que lui il est bon, les autres ils sont mauvais, il n'accepte plus le haq. Il va arriver à un niveau, vu qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala à la jahl, il ne connaît pas al-khawf wal-raja, il ne connaît pas tout ce qui est lié au azab, il ne connaît pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala al-qawi. Al-Jabbar, Al-Aziz, tous ces noms qui poussent le mu'min à avoir peur. Fayaghtar bi nafsi. Il pense que vu qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement il doit être récompensé et il ne peut plus s'égarer. Iyadam billah. Qala, muttakilan ala nafsihi al-za'ifa, al-muhina wa min huna yukhzal wa yuhal baynahu wa bayna al-tawfiq, idh huwa alladhi jana ala nafsihi. Un jour, mitla haoula, ils se font beaucoup de mal. Une fitna, une épreuve, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude, pourtant elle a été conseillée, et à cause de son ignorance, et cette mauvaise aqidah qui est fondée sur l'ignorance, peut-être qu'il délaissera cette ibadah qu'il faisait. Peut-être qu'il aura une mauvaise pensée, j'ai adoré Allah subhanahu wa ta'ala tant d'années et j'ai perdu tel proche. J'ai adoré Allah subhanahu wa ta'ala tant d'années, j'ai perdu mon argent. Il n'arrive pas à rassembler entre al-ibdila ou al-hikma ila akhir. Al-hadar. Et tout ça, nous, on n'est pas à l'abri. Même si tu fais des efforts, fil-ilm ou al-ibada, tu n'es pas à l'abri. Da'iman, entre al-khawf ou al-raja. Et on demande le tawfiq min Allah. Qala, avec هذا التفصيل تعرف منافة هذه الأمور للتوحيد. Et par rapport au délaissement, par rapport à la gravité de ces deux points, l'insan, son iman, il descend, et son tawhid, il faiblit. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والسلامة والعافية. باب نفيس. هذه الأبواب de كتاب التوحيد فيها فوائد كثيرة. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله لتع على عقيدة أهل السنة. Et vous avez remarqué que هذه الأبواب des آيات et des أحاديث. المؤلف رحمه الله sa parole en général c'est que le bab. Et حتى هنا il a même pas cité un chapitre. قال باب. Thumma il cite les versets. Il y en a le verset, il suffit, il est clair. Et il aurait pu citer rahimahullah babu ma jaa fi al-qunut min rahmatillah wal amn min makrillah. Il aurait pu citer هذا الباب. Lakin vu que le verset il est clair, au lieu de dire bab al-amn min makrillah ou al-qunut min rahmatillah, ou les deux, il a dit bab, thumma il a cité les deux versets. Et les deux versets ils te suffisent. C'est pour ça que tastafid kathiran min mithl hadhihi al-kutub des savants de l'islam. Ayat ou ahadith. Et on n'a pas besoin de kalam kathir, beaucoup parler. On doit faire des efforts pour fahmi le Coran en étudiant ce genre de moutoun ou kutub al-tafasir. On doit faire des efforts pour comprendre kalam nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en étudiant na'am, ce genre de moutoun ou des livres dans d'autres bab al-muhim qui sont fondés sur sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-qil wal-qal. Et كثرة الأسئلة كثرة الكلام, toujours se demander mais pourquoi et regarder كذلك les autres فلان il a fait. À notre époque wallahi la yanfa الذي ينفع à notre époque, cette époque de fitan, c'est l'iqbal الكلي على العلم. Si tu mets en application هذا wallahi ولو واحد veut te faire du mal إلى آخره فأنت ترجو من الله. مثلا واحد يبغى تكريتيكي, واحد يبغى تاكوزي, واحد يبغى بريتاند كو تا ان انوفاتور ان ايغاري ان فال ان كم من اشياء. سي ولله الحمد ton دين il est fondé sur mithl هذه الادله, tu seras في راحة. لان سي tu fais du bien, c'est Allah سبحانه وتعالى qui accepte, c'est pas هذا الشخص. سي tu على السنه, tu على السنه, même si un tel il dit t'es un munharif, ça change rien. بل tu trouves من تأصل علميا et met en application عملا, il est مطمئن. Il est مطمئن. كلام الناس ça lui fait rien, لأن ça va حق. Si c'est حق, نعم. Si واحد il te montre, il ينصحك ou il te critique بحق, et tu as vraiment cette chose, الحمد لله كذلك, ça va t'aider هذا الباب. تخاف من الله, pas parce que فلان t'a conseillé. مثلا il a dit t'as fait telle innovation, et صحيح, tu l'as vraiment fait. أنت tu sais que tu l'as fait. Et هو نبهك. أنت تخاف من الله لأن كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وأنت تخاف من الله وتخاف من الله من تخاف من الله ومن النار فسافات تدي تكارتي en appliquant مثل هذه الأدلة. Si t'accusateur الحمد لله أنت ترجو من الله. Qu'est-ce qui va te donner هذا العبد? Qu'est-ce qui va te donner? Il t'a accusé à tort. On considère que ceux qui nous accusent à tort, demain, ils yutnoun alayk. Et ça arrive que dire. Demain, ils te complimentent et ils disent que t'es masha'Allah. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, c'est une fitna pour toi. Il y a un thabat, en appliquant mitla hadihi al-nusus, en apprenant mitla hadihi al-risala, mettre en application, et avec shuruhat ahl al-ilm, bien sûr. شرح شيخ سعدي لغزومي لكن فيه فوائد كثيرة. إيسا طريقة للطيبة طيبة أنه يغزوم المسائل والحقيقة يتكونسي كثيرا تومتخ ان أبليكاسيون مثل هذه الأبواب النفيسة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.